بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فقد أخذنا أمس المفعول به. ما هو تعريف المفعول به يا محمد؟ بسم الله على شيء وقع لي. وقع لي فعل الفاعل. وقع لي الفعل. الفعل الفعل إثباتا ونفيا. نفيا، طيب أحسن. تبي أجدي سوي هو الاسم المنصوب. طيب، هو اسم منصوب الدالة على شيء وقع عليه الفعل، الفاعل إثباتا أو نفيا. طيب أحسن، بارك الله فيك. طيب، هو الاسم المنصوب خرج ماذا؟ الفد ديال الاسم كالمفعول به الفعل. أحسن، سيدي قونسي كو المفعول به لا يكون فعلا فعل ولا حرف. طيب بارك الله فيك. والمنصوب ماذا خرج؟ السلام عليكم. ماذا خرج لو فات دو دير؟ بارك الله فيك. عبد المجيد، لو فات دو دير كو المفعول به لي منصوب صافي سورتير كوا؟ المجرور والمرفوع. احسنت. تو با دير باغ اكزومبل ضربت زيدون، ها، أو أكلت الموزو، مفهوم هذا؟ أو أكلت الموزي. أحسن، بارك الله فيك. طيب عندك يا داود، لما قلنا بارك الله فيك وقع عليه الفعل الفاعل إثباتا أو نفيا، لماذا قيدنا هذا؟ قلنا سي كونسنتري دو دير لو فات إثباتا ونفيا. T'as pas compris ? Depuis hier, t'as pas compris ou la question ? C'est-à-dire pourquoi le fait qu'on dise le mef'ul bi, طيب هو الاسم المنصوب دل على شيء وقع عليه الفعل الفاعل إثباتا أو نفيا، لماذا نقول هذا؟ Parce que j'ai dit dans certains livres de Nahou, ils disent quoi ? Elle a dit وقع الفعل الفاعل. C'est-à-dire que ça fait comprendre quoi ça ? Maintenant, il y a la miyaka, il y a la yako ? Mef'ul bi. J'ai expliqué ça hier, tout le monde l'avait compris ça hier ? Même si la phrase elle est. C'est-à-dire, même si c'est négatif, c'est mef'ul bi. Voilà, kada. Un exemple, il te bête. Par exemple, la daraba zaydan. La daraba zaydan. C'est quoi ça ? Allah hafadak. Andek Athman. Un exemple, concentrez-vous les frères. Si je pose la question par exemple à Uthman, c'est pas que pour Uthman, tout le monde, parce que ça peut tourner. Taïb, hein, Uthman, j'ai demandé à un mef'ul bi muthbat, ça veut dire positif. About qara'atu al-Qur'an, ahsant. Vous avez compris là ? Ma'na madha ? Ma wal maqru, c'est quoi la chose qui est lue ici ? Al-Qur'an, mefhoum ? Ça veut dire qu'il y a eu la lecture, et cette lecture-là, elle est accomplie. Un exemple négatif. Pas rattraper le cours. Andek ya Wahbi. Ma katabtu ad-dars. Mefhoum hada? Hal ad-dars naqul laysa bi maf'ul bi? La huwa maf'ul bi. Mefhoum? Barakallahu fikoum. Tayyib. عندك يا أخنا أيمن، بارك الله فيك. سنذكر أشياء حول المفعول به. طيب قلنا المفعول به هو اسم ومنصوب، وأيضا كيسكو تو سي بارابور سو المفعول به؟ نعم، أن المفعول به قد يكون اسم صريح أو ضمير. مثال اسم صريح. أكل زيد تفاحة. التفاحة، ها، تخي بيان. ومثال للضمير. هل قرأت القرآن؟ Répète. Très bien. Très bien, mashallah. Par exemple, tu dis à un frère, هل قرأت القرآن؟ فهو يقول ما قرأته. أين المفعول به هنا؟ الضمير. أحسن. بارك الله فيك. Qu'est-ce que tu sais également sur le مفعول به؟ Là, on l'a dit ça. أحسن. الأصل فعل فاعل ومفعول به، هذا هو الأصل، مفهوم؟

Du fi'al madi, na'am. Le damir, le fa'al. Voilà. Et je veux savoir si aux deux autres temps, les damaïs, ils rentraient dans les deux. Et moi, j'ai dit quoi? C'est les alamates de quel temps? Du mardi. Mardi. Vous avez compris? Alamates, le fi'al madi. Le mudhari, tu ne pourras pas dire yadhabat. Mufoum? Zainabou, yadhabat. Là, il n'y aura pas ça. قلنا تأتنيث من علامات الفعل الماضي زينب ذهبت زينب المضارع ان شاء الله كون فاليتيدي يا با تأتنيث tu pourras jamais dire تذهب زينب c'est à dire ça tu le dis tu pourras pas dire تذهبت هكذا لا علامات الفعل المضارع on va l'étudier le sin والسوف واللام لم يلد ولم يولد le lam ça rentre que dans le مضارع Mais fond, ça ne rentrera pas dans le mardi. Tu ne diras pas l'âme d'Ahaba. Adakhata. C'est compris? Voilà. Alors je répète. Le ta tanit min alamat al fi'l mardi khas. Et le ta fa'al. C'est bien compris ça? Dahabtu. Le tout ici dit quoi? Ouais, il est damir. Mais quel type de damir? Fa'al. Parce que demain, on va étudier, inshallah, après dans le 3, quoi? Les damaïr al mansoub. Darabtu ka. Le cas ici, il est quoi? مفعول بي ضربتك مفهوم هكذا رأيتكم يدي ضمير يسون مرفوع يدي ضمير يسون كوا منصوب يدي ضمير يسون مجرور زي كومبري سا ان شاء الله voilà c'est pour ça on dit quoi التاء الفاعل هذا بارك الله فيك طيب parce que tu verras dans le مضارع tu pourras plus voir ça et ça apprenez le les frères je vous le répète c'est pas pour vous embêter si vous avez bien compris le 1 le 2 le 3 Bidmillah, vous avez compris beaucoup de khair. C'est-à-dire, vous allez faire après une celle-ci-là qu'en arabe. C'est-à-dire, tuhfa, c'est de la révision. Vous avez compris? Al-Mutamima, ce sera facile, même pour vous. Ce sera, quand je dis facile, je ne vais pas dire vous allez rigoler. Non. C'est-à-dire, vous allez essayer de comprendre ce qu'il dit le mudarris en arabe. Mais ce ne sera pas nouveau tout ça. Il y aura des choses nouvelles, parce qu'après, vous allez voir même le Messarf, il est vaste. Al-Mufalbi. Mais là, beaucoup de choses du livre. T'as rien compris, mais juste tu vas essayer de comprendre comment il te l'explique vraiment qu'en arabe. Mais faut madame, c'est pour ça ne négligez pas ces livres-là. Taïb, barakallahu fikoum. Tu as compris la kamala? Voilà. Taïb, bismillah. Ij'al kulla min al kalimat al atiya muf'ul bi wadbit akhiraha. Il te demande de mettre les mots là qui sont devant toi, le kalimat al atiya muf'ul bi. طيب هنا القرآن عندك يا محمد تنمي القرآن قرأت القرآن très bien قرأت القرآن أحسنت القهوة vas-y شرب محمد القهوة نعم ici c'était toi شربت القهوة أحسنت طيب regarde le tout ici il est فاعل مفهوم التفاح أكلت التفاحة نعم عندك يا عبد المجيد غسلت c'est le bab toi hein? Le bab moi ouais فتح ابي الباب très bien فتح ابي الباب احسن بارك الله فيك الدرس comment ah درست الدرس نعم بارك الله فيك القميص habillé comment tu dis عندك Nabistou, très bien. Ah, prenez les vocabulaires, les frères. Hein. Allez. Quelqu'un, il écrit tout le vocabulaire, là? Tout ce qu'on fait, là? C'est bien, machallah. C'est-à-dire, là, si quelqu'un a fait tout, on a peut-être au moins 100 mots. Entre le 1, le 2. Allez. Et encore mieux, si tu peux mettre quoi? Son pluriel. Allez. Ta'ammel, al-mithalayn, al-atiyayn. Grand 7, hein. At-tullabu, dhahabu, il al-mal'ab. Le mal'ab. C'est qui m'a posé la question? Ma ma'na? Na'am. Barakallahu fik. Mal'ab, terrain de jeu. On dit plutôt une aire de jeu. Voilà, c'est ça que je voulais. Hada. L'aire de jeu. Allah ybarik fik. Ça se traduit comme ça. Tu vois? Après, c'est à toi de mettre un mudhaf ilayh pour ce que tu veux. Mal'ab, le Kora, mal'ab, ila akhir. Taïb. Et en dessous, regardez quoi ?« Zahaba tullabu ila al-mal'ab »

كثيرا. فقال إنك أحسن طالب في الفصل. أحسن طالب مضاف مضاف لي. Là, tout ce qu'on a étudié, il commence à vous le donner dans un texte. Taïf, pour ça, réviser, Inch'Allah. Et ça, les frères, si quelqu'un il apprend un texte comme ça par cœur, parce que c'est quelque chose de mal, là, vous avez compris ? Ça, c'est quoi ? C'est un dialogue, ça. En Égypte, certains, ils leur font ça. Par exemple, moi, avec Abdelkhalil, je lui dis, tiens, moi, j'apprends la maman, toi, t'apprends Saïd. Et on parle. Vous avez compris ? Hakada. Il n'y a rien de plus que vous ici. Mais c'est quoi de l'ijtihad ? Du hifd. C'est-à-dire, si quelqu'un, par exemple, il n'y a pas de mal, vous vous mettez à deux. Toi, tu vas voir Mohamed, il dit à Mohamed, tiens, voilà, moi j'apprends Saïd et toi t'apprends l'Oum. Ils se mettent dans le Wadi. Par exemple, il dit, Mata Raja'ta ? Il dit, Raja'tu qabla nisf sa'a. Hakada. Tu vas voir à la fin du 1, du 2, du 3, mashallah, ça y est, sa langue, quoi, c'est que de la langue arabe. Mais que de la grammaire, sans vocabulaire, sans dialogue, là, tu peux rester 10 ans comme ça. Vous avez compris ça ? Regardez, un texte comme ça, machallah, regardez. On commence à apprendre quoi ? Tous les dars d'avant. Alors, Inch'Allah, celui qui est capable parmi vous de se trouver deux, trois frères comme ça, alhamdoulilah, c'est pas honteux ça. Vous prenez, chacun prend une personne, et le lendemain, il dit, tiens, on se prend 10 minutes, 20 minutes, on se met dans un coin, et chacun, il prend. Et tu vas voir, Bénin. Taïb, Andeka Bilal. C'était Bilal, hein? Ouais. Ya Bounei. Très bien. Les mots qui ne sont pas compris, tu les dès maintenant. Naam, arasel til qumsani ya ummi. Naam, arasel tuhum wa kouyituhum. Afwana, naam, arasel tuha. Arasel tuha wa kouyituha. Wa kouyituha. Wa kouyituha. Très bien. Hati zaka ya ummi zaka ajmalu min ajmalu min hada zaka ajmalu min hada na'am shufa assalamu alaykum kayfa haluki ya ummi wa kayfa haluki ya akhi ya kayfa haluka ya akhi wa alaykum assalam kayfa haluka ya akhi ya akhi na'am voilà طيب le premier c'est bien assalamu alaykum kayfa haluki ya ummi parce que tu parles à la maman wa kayfa haluka ya akhi barakallahu fik تفضل يا محمد وعليكم السلام اهلا يا بنتي ما ترى رجعتي من المدرسه رجعت بعد صلاه الظهر بيان سي رجعت ما جي خرجت خرجت بعد صلاه الظهر وجي خرجت بعد صلاه الظهر اين زميلتك اميده وفاطمه وسعاد نعم اين زملاء ما رايتهن بعد الصلاه نعم انا ما رايتهن بعد الصلاه Les frères Atman. Akhouki. Et c'est bien. Yabinti, Akhouki, Hafida, Sura. Hafida. Qui a pris ? C'est qui a pris ? C'est la sourate qui a pris ou c'est le frère ? Le frère. Et la chose qui a été apprise, c'est quoi ? T'as vu, Inch'Allah ? Ça va venir, ça. Vous, tout doucement. C'est vrai que c'est nouveau, un nouveau dars, me fait le vie. Mais toi, maintenant, raisonne comme ça. T'as vu ? La Aïya. Hafiti, Anti. Naam. Yabinti, Akhouki, Hafida, Surat al-Rahman. أي سورة حفظتي أنت طيب إن شاء الله وسيفون pas سورة les frères il y en a deux ou trois vous prononcez le ra طيب regarde moi je vais le lire regarde il suit سورة c'est écrit comme ça voilà سورة directement tu auras dans ta marbota سورة c'est qui a appris Je viens de corriger. Voilà. Et t'as appris quoi ? Surataïb. Alors, c'est. Mashallah, c'est bien. Alors, si t'as appris une chose, la chose qui a appris, c'est quoi ? Aïkoum salam. Il est mef'ulbi. Il est mef'ulbi, il est marfou.